fragile dans ton château d'argile. D'un geste, une menace disparaît un peu, ainsi soit-il. Car c'est vraiment ce que je veux. Sur M Radio. Okay. les étendues, les forêts de séquoia me laissent sans voix. Façon j'en ai plus besoin depuis que tu n'es plus là. Je parle tout seul, y'a que le vent qui répond. La douleur en cascade et au ricochet elle gagne. Mes plus petits sont les ronds. Voir si j'en étais capable de partir seul en voyage. J'imaginais pas être seul ici. On devait partir tous les deux pour la vie. Mais je frissonne. Ma valise était prête, compte à plier bagages. Oui, j'ai l'air un peu bête à danser sous l'orage. C'était le seul moyen d'éviter le naufrage, de mener seul mon vieux radeau sur les vagues. Je vois des nouveaux visages pour oublier le tien, même si c'était un mirage. La fin du long métrage, je n'ai plus besoin de rien. J'imaginais pas être seul ici. On devait partir tous les deux pour la vie. J'imaginais pas. Dans mon carnet de voyage, j'écris cette chanson sans toi. J'ai pas déchiré nos pages et je les relis des fois. Et dans mon carnet de voyage, j'écris cette chanson sans toi. J'ai pas déchiré nos pages. J'imaginais pas être seul ici. Partir tous les deux pour la vie. M Radio, M Radio. Avancer droit, perdre son temps, avoir peur de soi ou peur des gens, c'est si facile. Quand on s'endort, perdre le fil sans les accords. Arrêtez les cœurs, cesse le sommeil, craindre le compteur, les doutes s'éveillent. Face aux égaux, tout semble atteint. Effacer les mots, casser les crains. Aimer à mort, sans respirer, même quand j'ai tort, je suis là. J'arrête pas.

Le visage tout collé, son haleine dans ton nez, les yeux écarquillés, te voilà prisonnier. Jamais il t'écoute, en plus il tourne en boucle, te raconte toute la nuit la même histoire pourrie, la même histoire pourrie, la même histoire pourrie. Le poulet, la patate chaude de la soirée, qu'on essaye tous de se refiler. Le poulet, ah le poulet, qui changera pas, c'est pas la peine. Il accumule les vices, le relou de service, pas bouffer le blaireau, défonce ton frigo, peut débarquer à 12, c'est cru dans une partouze, franchit la limite, l'hélicoptère avec ça. Le pire dans cette histoire, le mec sort sa guitare, il fait son numéro, tout sous l'en jouant du trio, hurle capitaine flamme, massacre l'hymne de nos campagnes, il tape sur un djembé, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'arrêter. Le poulet, la patate chaude de la soirée, qu'on essaye tout de se refiler. Le poulet, ah le poulet, qui changera pas, c'est pas la peine. Tu sais même plus pourquoi tu l'aimes. Le poulet, et c'est de pire en pire. Tu sais même plus comment lui dire, le virer, l'éviter, lui mentir, l'assommer. Le paradoxe de l'histoire, tu cherches encore à le revoir. Le boulet c'est ton ami, les amis c'est pour la vie, pour la vie, pour la vie, pour la vie. Le poulet, la patate chaude de la soirée, qu'on essaye tous de se refiler. Le poulet, ah le poulet, la patate chaude de la soirée, qu'on essaye tous de se refiler. Ses fines blanches, robes rouges et noires, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre. Dr. B, that's me. Folle du reflet dans le miroir. Reparti direct to Mexico. Don Diego de la Vegas à cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs. Les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid. Les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh. Don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre. Dr. B, that's me. J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie. J't'ai attendu, vois-tu, et depuis. C'est pas demain la veille que je maudirai le réveil. Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas devant la vie que l'on a. Tant qu'on vit tous les deux, pas demain la veille que je maudirai le soleil, car le soleil c'est toi, et moi solennel pour une fois. Je ris pas, oh, oh. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. Je ris pas, on peut voir le monde en tout. Petit, moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Hey. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque, on va quitter Paris. Puis je te chanterai en cloque en attendant le petit. Je ris pas, oh, oh. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. Je ris pas, on peut voir le monde en tout petit, où je t'aimerai toute la vie pour de vrai. Tout ce que j'ai, hey, pour de vrai, t'es tout ce que j'ai. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Je ris pas, oh, oh, oh. On peut voir le monde en tout petit.

de la fièvre, je tremble. Devant tes lèvres, il me semble que je fais bien de me taire. Tu fermes les yeux, je me perds. Quand t'as la rage, je suis sanguin. Quand tu voyages, je me sens loin. Dans cette partie de poker, disons que t'es mon joker. C'est donc ça, la fusion de deux corps élémentaires. C'est donc ça, être complémentaire. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Chaque fois que je cours, tu t'essouffles. J'appelle au secours et tu souffres. La vie me pique, ça te fait mal. Tu te fatigues, j'en ai marre. Si on t'abîme, je prends le coup. Tu manges un fruit, j'en ai le goût. J'ai froid, la fée d'hiver. Pour réchauffer l'univers. C'est donc ça, l'addition de deux corps élémentaires. C'est donc ça, être complémentaire. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Le temps ne sera pas délétère. Tu sais, j'ai hâte de vieillir avec toi. Je te laisserai pas quitter la terre. Je me mettrai entre ciel et toi. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Voir des visages à nos portes, planqués derrière un jetard. C'est dans l'absence d'un sourire qui ne coûterait pas grand chose. C'est comme un clou qu'on enfonce, une violence à petite dose. Assis par terre, voir le monde qui défile et l'avoir pour domicile. Merci pour un euro ou même moi. Et être seul à tendre la main. Être le seul à tendre la main. C'est dans les gestes qu'on n'attend plus ou qu'on se refuse de faire. C'est dans nos quotidiens déçus qui nous rendent durer amers. C'est rien qui dise tout, mais qu'on préfère encore taire. Assis par terre, voir le monde qui défile et l'avoir pour domicile. Qu'un bout de trottoir assis par terre, être obligé de dire merci. No! voir les visages à nos portes, flanqué derrière un Judas. Assis par terre, voir le monde qui défile et n'avoir pour domicile qu'un bout de trottoir. Assis par terre, être obligé de dire merci pour un euro ou même un mois. Être le seul et assis par terre, voir le monde qui défile et n'avoir pour domicile. Kilos en trop. Balance-moi ce que je sais. déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de l'âme qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez, assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi. Numéro 1 sur la chanson française. M-Radio, M-Radio. Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand on arrive en ville, sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, nous,

Dis-moi ce qu'il nous reste au milieu des fautes maintenant. Chacun reprend son chemin. Adieu, nous deux, on aurait pu tenir à deux sans eux. Adieu, nous deux, on aurait pu choisir à deux sans eux. On était imparfaits, mais on était beaux. Je me rappelle de la mer, le sel sur ta peau. Souvenirs en poussière sur les vidéos d'avant. Et non, c'est plus pareil, y'a peut-être trop d'ego. Nos visages entachés par les mauvais mots. Les portraits ont changé, seuls sur les photos. Maintenant, chacun reprend son chemin. bienvenue sur M Radio. Alors, il fait froid le matin, mais je vous confirme que le printemps va se rapprocher et vous allez pouvoir changer votre garde-robe. Vous allez gagner 250 euros de cartes cadeaux chez spartoo.com. Votre jeu ce matin, c'est le 3 sur 5. Plein de cadeaux, 7h10. 8h10, vous reconnaissez trois artistes de la chanson française dans un medley de 5 artistes et c'est gagné. Bonne chance, ce sera tout à l'heure entre 6h et 10h. Pour le moment, on se réveille tout doucement avec Slimane et avant c'est Gérald de Palmas sur M Radio. Bon vendredi, nous sommes le 7 mars. Entre toutes autres choses, j'aurais dû m'arrêter faire une pause, mais j'étais trop pressé. Aurait-on pas pu attendre un été? Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter. Je me dissocie plus bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. On arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Sur le quai, j'attends le train pour Paris. Sur la tête, mon bonnet, des idées sur la vie. Là-bas, les gens se foutent de tout. De bien sûr dureront toujours. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Papa, Paname, on arrive. Moi aussi, je veux me foutre de tout. Dans les bars, aller boire des coups. Oublier qu'après le périph, la vie est un peu plus triste. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Papa, Paname. Bonjour et bon réveil, c'est M Radio, au cœur de musique française sans pub. Alors aujourd'hui, c'est encore une journée plutôt agréable, souvent du soleil, quelques nuages, quelques pluies quand même à Montpellier et Perpignan. Bah ça vous change un petit peu le sud. Et puis sinon aussi quelques gouttes de pluie en Bretagne. Notez aussi que le vent va être de plus en plus fort, surtout dans le sud, et les températures, 21 degrés à Bordeaux, 17 degrés si vous êtes à Paris près de la Seine, et puis en Alsace, beau soleil aujourd'hui. Dans la plaine d'Alsace à Strasbourg près de la cathédrale, on aura jusqu'à 17 degrés. Joseph Kamel arrive et puis maintenant, eh ben non, vous ne la verrez pas dans Danse avec les Stars ce soir, puisque ce soir ce sont les Enfoirés. Et oui, voici Julie Zenati sur M Radio. J'ai passé mon temps à vouloir renaître, à chercher comment, pourquoi et peut-être ici maintenant. J'en fais l'aveu. Que mes lèvres s'en tiennent à la vérité. J'embrasse mes faiblesses, ma joie, mes péchés ici, maintenant. J'en fais le vœu pour vivre d'instinct. Il faut vivre d'instinct. Demain, demain, c'est si loin. J'aurai soin de moi-même ici, maintenant. Je fais ce vœu pour vivre d'instinct. Il faut vivre d'instinct. Demain, demain, c'est si loin. Tout Radio, M Radio. Je sais que tu seras belle. Je sais que tu rendras le monde plus fort. Dis comment tu t'appelles. Ma fille qui n'existe pas encore. J'ai du temps devant moi, avant toi, pour apprendre ce que j'ignore. 10 ans avant que tu viennes, le monde n'est pas le plus beau des décors. Mais dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas. Pour le voir, je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Si on a la nouvelle qu'on a gâché le plus beau décor, même si c'est sans appel, sache que je t'appellerai encore. Et je serai toujours là à chaque fois que personne ne sera d'accord. Pour te laisser tes ailes, faudra couper les miennes d'abord. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas. Pour le voir, je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de l'avoir. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Et quand je m'endors, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Et qu'on espère encore. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas. Pour le voir, je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire, avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voix. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voix. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Moi, j'ai

vendredi, nous sommes le 7 mars. Bon réveil, bon anniversaire à vous aujourd'hui. Et voici votre horoscope. Les béliers, ne forcez rien, laissez les choses venir à vous. Les taureaux, vous serez l'élément sérieux, sûr et stable du groupe. Les gémeaux, l'amour se trouve dans les petites choses. Les cancers, côté finance, une opportunité intéressante se profile. Les lions, rappelez-vous que la perfection n'existe pas. Les vierges, votre curiosité est à son apogée. Balance, votre façon de parler plaît, vous irradiez de bonheur et ça se voit. Les scorpions, les astres vous poussent à être plus transparents. Sagittaire, n'ayez pas peur de prendre des responsabilités. Les Capricornes, écoutez ce que votre cœur veut vraiment. Les Verseaux, restez attentifs aux signes du destin. Et puis enfin les Poissons, la chance est au rendez-vous. Saisissez-la. Bienvenue sur M Radio. Il part en tournée en avril dans toute la France. Il sera le 13 avril chez vous à Strasbourg et le 12, donc un jour avant à Besançon. Pensez à vite réserver. C'est la star qu'on écoute maintenant sur M Radio. Bon réveil. Bonjour, c'est Patrick Fiori sur M Radio. Découvrez son nouveau titre, La gloire de nos pères, écrit par Vianney. M Radio, numéro 1 sur la chanson française. M Radio. Comme un parfum qui nous revient de l'enfance, sans prévenir sonne l'inconscient. J'ai pris des trains, des bateaux qui dansent, pour revenir à l'évidence. De forêts vierges en océan caché, y a mille pièges où l'on se trahirait. J'ai pris le large et des chemins glacés pour revenir à qui j'étais. Car elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint. Elle n'est jamais loin. Oh, j'ai beau m'enfuir et de lui m'éloigner, je sais cet endroit à mes côtés. Ce serait mentir de dire qu'il est parfait, mais c'est lui qui m'a fait. Bien sûr les ratés, les ombres, bien sûr les méfaits, les défauts. Y a pas un pays sans tache au drapeau, mais lui me colle à la peau. Car elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint. Elle n'est jamais. C'est ma maison depuis mes premiers pas. C'est ma maison, je ne le savais pas. C'est ma maison, j'y reviens malgré moi. C'est ma maison elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint. Elle n'est jamais loin. Oh, oh, oh, oh, oh. Elle n'est jamais loin. M Radio, M Radio. J'ai marché Madison, la 5ème et Central Park. Le ciel crachait des bouffées de Havane. Les bateaux de l'Hudson formaient sur l'eau comme un arc qu'ils remorquaient comme une barque Manhattan. Les voitures téléphones aux vitres aveuglées passaient dans la fumée des chicanes. un orchestre mendier sous les sabots du cheval du vieux héros général Sheridan. Les forêts d'escaliers tombaient, les toits incendiés comme le feuillage emmêlé des savanes. Des sirènes ambulances aux vitres aveuglées déchiraient le silence au travers des fumées. Du pont de Brooklyn buvait d'anciennes Marilyn de vieilles femmes. Des nuées de pédales sortaient de Carnegie Hall en soldats de carnaval en gitane. Des enfants de couleur, lunettes aveuglées, revendaient du bonheur à fumer. Autour des tours jumelles, nouvelle tour de Babel. Dans les klaxons au travers des fumées. C'était fin juin, s'est embrassé, serré la main, un pour tous et tous pour un, et puis chacun a pris son train. On avait tous aussi peur, on s'est juré la main sur le cœur, qu'on se reverrait avant 10 ans. On s'est revus et maintenant, de temps en temps on s'invite, même si souvent on s'évite. On se dit bien sûr je m'en souviens, mais on se rappelle de moins en moins. Ça nous a pas rendu amers, on sait bien qu'on peut rien y faire. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées sur tout. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre, on perd son temps. Et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend. Il y en a qui ont fait des enfants, il y en a d'autres qui ont dit j'attends. On a tous aimé les femmes, on s'est tous trouvé du charme. On est tous devenus quelqu'un, dans son quartier ou plus loin. Bien sûr on s'est perdu de vue, mais on n'appelait pas ça perdu. On s'est traité de tous les noms, on s'est tombé dans les bras. On n'a pas osé dire non, on a dit oui, n'en fallait pas. Ça nous a pas empêché de continuer à s'aimer. Pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées, surtout pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. Pas besoin de faire semblant, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on peut jouer sans être comédien. Ça sert d'aller contre, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on suit tous le même chemin. Au cœur de musique française sans pub, on est bien, on se réveille, c'est M Radio, bon vendredi. M Radio, numéro 1. Sur la chanson française. Bonne fête aux Félicie en ce 7 mars avec pour la suite Santa et Vanessa Paradis. M Radio, M Radio. M Radio, 5h. Connais toutes les rues par cœur. c'est Santa sur M Radio. Découvrez La Différence, le dernier titre de Santa. M Radio, merci de défendre la chanson française. J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai. Je préfère tant trop au pas assez. Ouais. Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse. La photo fige, un peu de flou, un peu de mou. Les tornades nous rappellent qu'on tient debout. Et sur mon piano, tout sonne vrai. Je préfère ton trop au pas assez. Tu feras la différence. Radio, nous sommes le 7 mars. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire d'un chanteur. Il a 86 printemps. Il est toujours reconnaissable grâce à son chapeau. Il chantait une chanson marrante à l'époque. C'était le Marsupilami. Daniel Gérard, appelez-vous. Dites-moi quel est son nom. Marsupilami. Répétez-moi donc. J'ai aussi la peluche, cherchez-moi comme vous. En voilà un drôle de nom. Marsupilami. Voilà son cri. C'est un peu mon cri aussi au réveil. Bienvenue sur M Radio. Avant les meilleurs moments du M Radio. Du réveil, Soprano, et puis souvenir des années 90 maintenant, Axel Bauer sur M Radio, vendredi 7 mars. Bon anniversaire! On est libre et on aime ça. qu'un amour. Tous les deux sans personne. Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end, l'Italie. Avec M Radio au cœur de musique française sans pub, avant la météo dans 10 minutes, Jérémy Frérot, partenaire particulier, et puis les meilleurs moments du M Radio Réveil. Hier matin, avec Vincent Cerutti, Isabelle Jamy et Lucas, on vous a posé cette question. Et pour vous, quel est le plat que vous pourriez manger tous les jours sans jamais vous lasser? Alors moi, c'est pas un plat, mais c'est un apéro. Les cacahuètes, je pourrais en manger tous les jours. Voici vos réponses maintenant dans les meilleurs moments du M Radio Réveil. Bon vendredi. Alors figurez-vous qu'à Rennes, ce week-end a été battu le record du monde de la plus grande galette saucisse. Ah bah ça c'est intéressant. Exactement. Ouais. Et donc mise bout à bout, toutes ces galettes saucisses ont atteint 101 mètres de galettes saucisses. Ah oui. Avec pas moins de 500 saucisses. Wow. Ah mais ça c'est une bonne idée. Autant ça. Vous dire qu'ils vont en manger pendant très longtemps. Oui. Il y a eu des restes et ils vont continuer à en manger là toute la semaine. Ça me donne faim ton truc là. D'où ma question, quel plat pourriez-vous manger tous les jours sans vous lasser? Oh, moi j'aime tellement bœuf bourguignon. Tous les jours? Tous les jours, matin, midi et soir, paella, couscous. Aussi couscous. Le couscous, c'est le seul moment où je mange une merguez. Je m'accorde ce petit plaisir. Oh, vivement qu'on se fasse un couscous. Voilà. Hein. Ah oui, ouais. Voilà, ça serait faisons bien. Faisons un couscous. Midi, vous voulez pas qu'on aille faire un couscous hein. Ah si. Ah j'ai... mais moi, je peux pas, j'ai psy le jeudi. Ah ouais, ça pire, faut que tu y ailles en plus. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Prends-le bien, Maïsa, prends-le bien. Tout le monde va avoir un psy, sauf mais que personne ne dit. Rendez-vous dès 6h en direct pour le M Radio Réveil de Vincent Cerutti et Isabelle Giammi. À tout à l'heure. Des trajets en vélo pour se rejoindre sur le sable, le soleil sur nos peaux, le goût salé des vagues, les feux du 14 juillet et nos glaces qui coulaient, assis sur le perret et nos faces qui bronzaient. On se retrouvait au club de plage, pas de plan sur la comète, juste des enfants de passage, des rêves plein la tête. On séchait sous les parasols, on aimait regarder le ciel comme des gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant de passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable. T'as vu comme on a grandi, toujours deux poissons dans l'eau. On habite au paradis, de la teste au moulot. Je me souviens des pinasses, accostés sur le banc, le cap ferré en face. Les trampolines d'avant, chez nous ça rigole. C'est l'histoire de nos vies, de gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant de passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins du sable, comme des gamins. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. Avec M Radio, il fait un petit peu froid ce matin, mais ensuite il va faire bon puisqu'on aura quasiment 20 degrés à Bordeaux aujourd'hui avec du soleil. D'ailleurs, souvent du soleil sur toute la France, mis à part si vous êtes à Montpellier où la pluie sera au rendez-vous. Mais beau soleil dans la plaine d'Alsace avec des températures maximales quand même jusqu'à 17 degrés. Très bon réveil avec M Radio, avec justement l'Alsacien, il arrive du Haut-Rhin, Claudio Capeo. Et puis avant, c'est une chanson qui est sortie il y a quelques semaines, le jour de la Saint-Valentin. Kenji en duo maintenant avec Andrea Bocelli pour une nouvelle version de Je vis pour elle sur M Radio. Je vis pour elle jour après jour. Quand ses accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour. Elle est restée en moi pour toujours. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle. Tendre. Elle me dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours. È una musa che ci invita. Attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords en moi se fondent, c'est ma plus belle espoir d'amour, un poignot che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. Je serais perdu sans elle. Vivo per lei dentro gli hôtels. Je suis triste et je la je ne vis que pour elle. Sopra un palco contro un per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. È la musica e la diesel, è il Madonna la clé du ciel, qui m'ouvre enfin les portes du soleil. J'existe pas. J'existe pour vivre pour elle. Elle est unique. Elle est toi et moi. La vivre pour elle. Io vivo. Elle me dit, dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde t'attend, c'est pas le moment d'hésiter. Je lui dis, laisse aller, laisse aller. Pose café, un collègue me dit que c'est la misère, que c'était mieux avant que tout foule camp sur notre terre. Je lui dis, laisse aller, laisse aller. Quand tout autour de moi soudain s'agite et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête, que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête, ce petit refrain pas compliqué qui me dit laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller. Au resto à midi, le serveur dit c'est pas la fête, depuis qu'elle m'a quitté là dans mon cœur c'est la défaite. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Fin de journée fatiguée dans mon salon, c'est le bordel. Faut que je range mes génies, la force ni le manuel. Je me dis laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller. Qu'on se le dise quand ça ne va pas. Et si j'oublie, rappelle-moi. Je sais, c'est pas toujours facile. Laissez aller les jours fébriles. Laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, allez, laisse aller. jamais rien que ton ami. C'est au fond de tes yeux, là où le monde effleure tes rêves, là où le bonheur n'est plus un mystère. C'est là que je t'emmènerai sur la route, et si le soleil le savait, mais j'en d'été, un courant d'air. Et tout au long de ta vie, que s'écartent les nuages, je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi. Regarde là-bas, c'est là que je t'emmène. Mais j'en doute, il viendrait. Là où je t'emmènerai, aucun doute, il s'inviterait pour nous réchauffer, nous accompagner. Radio. Ils sont ce soir en concert à Bordeaux et également demain soir, la semaine prochaine à Toulouse. C'est Indochine qu'on va accueillir. On aura aussi Frédéric Dolman et Jones et puis les meilleurs moments du M Radio Réveil. Est-ce que l'âge de la maman au moment où elle accouche a une influence sur l'intelligence de l'enfant? C'est une question qu'on s'est posée hier matin dans les meilleurs moments du M Radio Réveil. Selon la London School of Economics, qui est quand même quelque chose de très très très sérieux, ouais. Et ben l'âge de la maman au moment où elle accouche a une influence sur l'intelligence de l'enfant. Ah bon ? Vous, votre maman, elle vous a mis au monde à quel âge ? Oh, je me souviens plus, j'étais tout petit, moi. Non, mais tu sais à peu près si c'était dans la vingtaine ou dans la trentaine. Ah, je dirais dans la... à cheval entre la vingtaine et la trentaine. Bon, bah, t'es à cheval entre intelligent et pas intelligent. Ouais, bah, ça, je te remercie. Ça, j'ai remarqué. Parce que, en fait, les enfants issus de mères âgées de 35 ans et plus surpassent ceux des mères d'une vingtaine d'années au test cognitif. Ah. Lucas, tu nous as pas dit, toi, ta maman, elle t'a eu à quel âge? Justement, je me demandais d'où me venait cette intelligence. Ah, non, mais ma maman m'a eu à 35 ans. Ah, c'est vrai? Ouais, et bah, voilà. J'ai honte, je sais même pas, moi. Toi, tu sais, Isa, toi? Oui, moi, elle m'a eu à 22. Non, mais toi, sur les chiffres, tu triches toujours. Mais pas du tout. Et ben, je fais partie des enfants les moins doués au test cognitif. Je suis désolée, je l'assume. Ah ouais, mais moi aussi. Ceux qui sont issus d'une maman âgée de 35 ans ont une meilleure lecture, une réflexion plus affûtée, une mémoire plus performante. Enfin bref, ils sont meilleurs en tout. Mais je crois que ma mère, elle avait 23 ans, moi. Et ben voilà. Et ben, bienvenue au club. On est Allez, c'est pas grave, on s'en sortira quand même dans la vie. Oui, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Merci beaucoup. Rendez-vous dès 6h en direct pour le M Radio Réveil de Vincent Cerutti et Isabelle Giammi. À tout à l'heure. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi, ça me rendait fort. Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ooh, ooh. Ça faisait 1, 2, 3, tout du même âme. 4, 5, 6, Alice. 7, 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9. Pas pour ceux qui s'ignorent. Moi quand j'entends l'intro de Hey Joe, je comprends mieux qu'aucun mot. Rien ne me met dans le même état que la voix d'Aretha. Ça s'appelait rock'n'roll. Ça me rend du fort. Moi j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien mais que ça sonne. Bonjour, c'est Indochine sur M Radio. M Radio. Découvrez La Belle et la Bête, le dernier titre d'Indochine. M Radio. Soyons des anges exigeants, des gouttes d'eau dans l'océan. Yeah. changer le monde, changer le cours des chances et des peines perdues. Ce soir, on voudrait bien pouvoir répondre à qui souffre en silence qu'on les a entendus. C'est de céder mais sans céder over la tentation de nos bonnes consciences. L'espoir, c'est de s'aimer surtout s'aimer, ce qui résiste au poison des indifférences. Si l'on s'aime, si excellent vendredi, on est le 7 mars, voici ce que vous réservez à votre journée. Avant de retrouver Vincent Cerruti, Isabelle Jamy et Lucas en direct. Bélier, ne forcez rien, laissez les choses venir à vous. Les taureaux, vous serez l'élément sérieux, sûr et stable du groupe. Gémeaux, l'amour se trouve dans les petites choses. Les cancers, côté finance, une opportunité intéressante se profile. Lion, rappelez-vous que la perfection n'existe pas. Les vierges, votre curiosité est à son apogée. Les balances, vous irradiez de bonheur et ça se voit. Scorpion, les astres vous poussent à être plus transparents. Sagittaire, n'ayez pas peur de prendre des responsabilités. Les Capricorne, écoutez ce que votre cœur veut vraiment. Les Verseaux, restez attentifs aux signes du destin. Et puis enfin Poissons, la chance est au rendez-vous. Saisissez-la, donc jouez au 3 sur 5 pour gagner par exemple 3 nuits en famille, résidence, Pierre et vacances. Grâce au 3 sur 5 avec Vincent, Isa et Lucas, je vous souhaite une magnifique journée. Tous les bons rendez-vous du M Radio Réveil arrivent. Il y a aussi l'actu quiz qui se prépare. En tout cas là, c'est Louane qui va bientôt nous présenter, nous les Français, à l'Eurovision. Bon réveil. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là, pas loin, même si c'est faux.

accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucré tombait, je vais le café renversé. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme. J'avais dédalé. La musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs. On sent tous son dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais dans ce feu, j'avais gardé car on ne peut pas te passer, chacun le sait. Ça va un big jockey et du chant. Danse jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes. Bonjour et bon réveil, merci d'être avec nous sur M-Radio, merci à Raphaël qui vous accompagnait depuis 4h du matin pour les meilleurs moments du M-Radio Réveil, c'est une nouvelle émission qui démarre maintenant mes petits enfants. Bonjour Isa, bonjour Lucas. Bonjour, bonjour. Coucou. Les amis, ça va? Bah oui, ça va, on est vendredi, ah ouais. Trop bien. Voilà, dernier jour de la semaine. Avec du soleil sur toute la France, oui. Aujourd'hui, ça c'est bien. On part en info? Allez, il est l'heure, il est 6h. Allez. M-Radio, ah oui. Et ce sera une belle journée parce qu'on l'a décidé. M-Radio, M-Radio. Et c'est le retour de... Manon Bacourt pour les infos, la météo. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Bonjour Vincent, bonjour Isabelle, bonjour à vous. Une belle matinée ensoleillée sur la majorité du pays. De la pluie encore au menu au pied des Pyrénées, de la grisaille également autour du golfe du Lion ainsi que sur la Bretagne et la Normandie. Cet après-midi, le ciel se dévoilera un peu sur la façade atlantique et les averses persisteront encore sur le Languedoc. Partout ailleurs, le soleil s'imposera avec des températures très douces. Les maximales atteindront 16 degrés à Brest, 19 à Lille et à Ajaccio. Le ton monte encore entre l'Élysée et le Kremlin. Emmanuel Macron affirme que Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste. Une réponse au président russe qui s'était lui aussi adressé à son homologue français un peu plus tôt en le comparant à Napoléon, un contresens historique. Rétorque Emmanuel Macron, la seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe, c'est selon lui la Russie qu'il qualifie de menace existentielle. Une déclaration en marge du sommet européen exceptionnel hier à Bruxelles. Les 27 ont approuvé le plan de la Commission européenne pour réarmer l'Europe. 800 milliards d'euros vont donc être mobilisés, dont 150 milliards sous forme de prêts, afin de renforcer les capacités de défense du continent. Les États membres pourront notamment accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Les 200 narcotrafiquants les plus dangereux du pays seront bientôt regroupés dans deux prisons de très haute sécurité. Gérald Darmanin a dévoilé les sites retenus hier soir. La prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais dès cet été et le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe dans l'Orne d'ici l'automne. Les prisonniers concernés sont majoritairement des narcotrafiquants mais aussi des terroristes islamistes. Une nouvelle étape vers la fin ou du moins la limitation du démarchage téléphonique. Les députés ont voté une proposition de loi en ce sens hier à l'Assemblée. Les démarcheurs ne pourront bientôt plus vous contacter sauf si vous y avez expressément consenti. L'opposition devient donc présumée. Par principe, le texte doit encore être voté au Sénat pour une application espérée en 2026. Ce sont ses premiers mots depuis 3 semaines. Le pape François est sorti de son silence hier dans un court message audio diffusé au début de la prière sur la place Saint-Pierre. Le chef de l'Église catholique a remercié les fidèles pour leur prière sur son état de santé. Le souverain pontife est hospitalisé depuis la mi-février pour une double pneumonie. Et puis un mot de foot, l'Olympique lyonnais a fait un grand pas vers les quarts de finale de l'Europa League hier en Roumanie. Victoire 3-1 sur la pelouse du Steaua Bucarest. Très bonne matinée avec M Radio. Le M Radio Réveil continue avec Vincent Cerutti et Isabelle Fiamy. Merci Manon, à tout à l'heure. Et on démarre alors avec Céline Dion, le duo Stromae Pomme. Et là, c'est qui? C'est Calogero et Ibrahim Malouf parce qu'on s'aime. Paris qu'on s'aime. Encore. Paris qu'on s'aime encore même. Ensemble, on danse sur les mêmes plats. Nos vies, nos histoires, dans la grande histoire, sur les mêmes plats. Ensemble, nos fêtes, victoires et défaites, dans les mêmes bras. Et si d'autres ferveurs nous chantent la peur, Ensemble on jurait qu'on ne serait jamais ce qu'on ne veut pas. Ensemble on s'aimait et on le criait sur les mêmes toits. Bon réveil, bienvenue sur AM Radio et on espère que tout va bien, il est 6h06. 6h10, Vincent Cerutti et Isabelle Jamy. Et Lucas. Salut. Alors visiblement, il y a une bonne nouvelle là. Ah oui, bah, et là, il faut aller chercher les bonnes nouvelles en ce moment quand même, oui, c'est hein, dans vrai, l'actualité. T'as raison. Et moi, j'en ai une, c'est que j'ai entendu dire que là, à l'Assemblée nationale, les députés sont en train de travailler sur une loi qui va nous permettre de dire oui ou non, je veux qu'on m'appelle pour me vendre des trucs par téléphone. Ah oui, parce qu'on reçoit énormément d'appels de gens qui veulent nous vendre des abonnements internet, des panneaux solaires. Bah, ça n'arrête jamais, c'est toute la journée. Tout le temps, c'est insupportable, ras-le-bol. Et donc là, c'est génial parce que vraiment, on pourra dire oui, j'accepte que cette entreprise m'appelle, cette entreprise et tout plein d'entreprises autour, ouais. Ou non, je ne veux pas. Et là, du coup, on n'aura plus de coups de téléphone comme on a là. Faut avoir c'est que bien. Ça à foutre hein, pour recevoir, pour dire moi je veux bien qu'on m'appelle toute la journée pour me vendre des oui. trucs. Ouais. Oui, qui va dire ça non, par contre, c'est vrai. C'est ouais. ce que je me suis dit. Ils vont plus pouvoir bosser, quoi, ces gens-là, les démarcheurs. Ouais, mais alors, personne ne va dire oui. Ils existaient pas il y a encore 5 ans en arrière, ces démarcheurs. Donc je veux dire, franchement, non, ils mais. Ils trouveront autre chose à faire. Ah, puis ils nous oui. emmerdent, c'est pas le problème. Ils sont tout le temps en train de nous appeler pour nous vendre des trucs. C'est insupportable. Mais oui, puis moi, parfois je vois des 04, je me dis, ah, c'est bien, c'est quelqu'un du Sud qui m'appelle. Oui. Enfin, tu vois. Non, pas du tout. Alors moi, ils m'envoient chier maintenant, ils me raccrochent au nez, les mecs. Mais non. C'est vrai. Je te jure, tellement, faut dire que je suis pas commode. Hein. Oh. Ah non, mais c'est insupportable. Voici Céline Dion dans un autre monde sur M Radio. Et juste après, il y aura Stromae et Pomme avec Ma meilleure ennemie. Détendez-vous, c'est le M Radio Réveil. Je m'ai mangé sa peau, j'ai meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. Et si tu cherches encore la voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Bienvenue, c'est M Radio que vous écoutez. Dans un instant, un grand succès des années 2000. On va chanter avec les L5, qui a aussi Elena Mauvais Garçon en nouveauté M Radio. 6h-10h, c'est le M Radio Réveil. M Radio. Je vous annonce que 8 nouveaux emojis vont arriver sur nos téléphones. Ah. On en avait déjà beaucoup. Hein. Vous savez à peu près combien on a d'emojis possibles? Il y a une quarantaine, non? Plus, non? Beaucoup plus. Ah, une centaine. Je ne sais pas. Plus, on en a 3600. Non, vrai. C'est pas possible. Je vous assure. Oh, bah non, c'est pas possible. Ah bah, il en existe 3600, mais on en a pas 3600 sur notre téléphone. Ah bah, je sais pas, j'ai pas compté. En tout cas, il en existe 3600. Ouais. Ok, et ben on en a encore 8 de plus. Allez, bing. Puisque là vient d'arriver l'emoji avec des cernes sous les yeux. Ah bah, ça, c'est pour nous, ça. Ah oui, c'est je pense l'emoji que. C'est parfait pour nous, ça. Ah, ça, c'est spécial matinal. Et hop, comment tu vas aujourd'hui? Bim, t'envoies bing. L'emoji avec les cernes. Ça a été l'émission, paf, emoji cerne. Il y a une empreinte digitale aussi en nouvel emoji. Je sais pas quand est-ce qu'on l'utilise, bah celle-ci. Oui, c'est oui. Curieux. Peut-être ouais. Si on est au commissariat. Oui, voilà, les gens qui travaillent dans la police. Hein. Ouais. Je sais pas. Une tache de peinture. Pourquoi pas. Ouais. Un navet. Eh ben alors. Ah oui. Ah si, pour un film ou un truc. Ah pas bête. Ah ouais. Ou alors pot-au-feu peut-être. Oui, une soupe. Ah ouais, effectivement. Tu peux aussi avoir l'arbre sans feuilles dans les 8 nouveaux emojis. Un arbre sans feuilles. Voilà. L'automne. Une harpe. Ah. Si tu as un concert de musique classique. Oui. Hop, tu vois, t'envoies la petite harpe. Une pelle. Mais c'est important, ça, pour les travaux, une pelle. Voilà, si tu fais du jardinage, hop, t'envoies la petite pelle. Et puis le drapeau de l'île de Sark, c'est une île située entre le Royaume-Uni et la Normandie. Ah, mais ça manquait, ça. Bah oui, mais il n'y a toujours pas le drapeau breton et le drapeau basque. Ah, c'est oui, vrai. Bah oui. Il y a plein de drapeaux, mais il n'y a pas ces deux drapeaux. Mais comment ça se fait, surtout que l'île de Sark, c'est pas très connu. Bah oui. Bah non, mais ils c'est ont vrai, été pistonnés. Ça. Ils les inventent, hein, ouais. Je te jure. Ouais, voilà. Bon, bah, très bien. 8 nouveaux emojis, donc à arriver bientôt sur nos téléphones. Merci Isabelle. Toutes les femmes de ta vie, on écoute les L5 sur M Radio. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose, en jolie statue de cristal. Je préfère quand on nous oppose, soit mon rival. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages? Toutes les femmes de ta vie. semblant de te croire. Quand parfois je sais que tu mens, je ne ferai même pas d'histoire si tes ex reviennent en courant. Je suis aussi ton oxygène quand tu as le souffle coupé. Une histoire pour s'éloigner des contes de fées. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages? Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Immense, je suis un enfant du monde. La dernière danse d'Indila à 6h23, bonjour. M Radio, l'actu quiz de Lucas. Il y a une chef cuisinière américaine qui fait le buzz en ce moment après son passage à la télé aux US. À votre avis, pourquoi ? Elle a foutu le feu à son restaurant. Non. Elle nous a fait une maïté, elle a tué une anguille en direct, un truc comme ça. C'est drôle, non ? Ça. C'est pas ça, ça s'est passé sur le plateau de Jimmy Fallon, c'est un peu leur Camille Combal local. Elle s'appelle Giada De Laurentiis, elle était l'invitée donc de Jimmy Fallon et elle a réalisé sur son plateau une recette virale, son plat préféré quand elle était enfant, les spaghettis au chocolat. Ah, particulier. Alors la recette c'est simple, des pâtes, beaucoup de pâtes à tartiner et du chocolat râpé par-dessus. Voilà. Oh, c'est particulier. Spécial, hein. Ouais. Mais je me dis pourquoi pas goûter parce que les pâtes c'est bon, la pâte à tartiner aussi. Ça se mange chaud ou froid ? Ça se mange chaud plutôt, ouais. Ah oui, tu vois. Ouais. Non, mais ton raisonnement, il tient pas, parce que à ce moment-là, les épinards, c'est bon. Le gâteau au citron, c'est bon. Enfin, tu mélanges pas les pas deux. Bête, ça, tu, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Cela dit, on fait bien du riz au lait, pourquoi pas faire des spaghettis au chocolat ? Voilà. On en est. Ah ouais. Alors, ouais. Donc voilà, en tout cas, les internautes n'ont pas du tout été convaincus. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. Mais Isabelle non plus, tu vois. Dans 2 mois et demi, c'est l'Eurovision. Luan va bientôt dévoiler sa chanson pour la France. Mais dans les autres pays, les polémiques commencent un petit peu, notamment avec Mariana Conte, qui va représenter Malte avec sa chanson Cunt. Mais ça, c'est une reprise, non ? La musique, là, ça me fait penser à quelque chose. La chanson donc s'appelle Kant, K-A-N-T, ça veut dire chanter en maltais, parce qu'elle va représenter Malte. Sauf qu'en anglais, Kunt, C-U-N-T, ça ressemble un peu Kant, Kunt. Ouais. Ça veut dire en fait de façon très familière le hum-hum de la dame. Ah, ok. Le hum-hum de la dame. Foufounette. Ah oui. Ouais. Il a dit ce mot à 6h25. Ouais, il a dit foufounette. Ouais, voilà. Et tu l'as dit aussi. Vous l'avez répété. Donc, c'est étonnant. Donc elle va devoir changer en fait de mot dans la chanson parce que ça ressemble trop justement. Kunt et Kant, ça se ressemble trop. Ah oui, là, vraiment. Ah, mais c'est chaud là de tout changer juste avant l'Eurovision quand même. Au dernier moment, ouais. Alors sans transition, il semblerait que j'ai vu ça passer sur par rapport à l'Eurovision à Bâle en Suisse. Céline Dion pourrait venir. Oui, apparemment c'est une surprise qui est en train de se préparer. Oui hein. Ouais. Ça serait fou. Ouais, ce serait ça. Je dis rien. Hein. Merci Lucas pour ces bonnes infos. Voici Elena, mauvais garçon en nouveauté à Radio. Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon me dénigre. Sont libres, et son amour est une prison. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils. C'est moi le pantin. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un mauvais garçon, je les tire. Et moi, j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On m'a dit, faut que j'arrête. Journée de bonne humeur avec Vincent Cerutti et Isabelle Giammi. M Radio. 6h-10h, c'est le M Radio Réveil. Passez notre amour à la machine. Faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie les tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. Le rouge pour faire tomber la misère de nos gentils petits. Les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine. Bienvenue sur M Radio, bonjour et merci de nous avoir choisi. Il est 6h30, mes petits enfants. Le rappel des titres en une minute, présenté par Manon Bacour. Bonjour Manon. Salut Manon. Bonjour Vincent, bonjour Isabelle, bonjour à vous. Ce sera pluvieux autour du Golfe du Lion, un temps lumineux partout ailleurs. Les maximales afficheront 17 degrés à Rennes, 20 degrés à Biarritz et à Auxerre. Le ton monte encore entre l'Élysée et le Kremlin. Emmanuel Macron affirme que Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste. Une réponse au président russe qui s'était lui aussi adressé à son homologue français un peu plus tôt en le comparant à Napoléon. Déclaration en marge du sommet européen exceptionnel hier à Bruxelles, les 27 ont approuvé un plan de la Commission européenne pour réarmer l'Europe. 800 milliards d'euros vont être mobilisés afin de renforcer les capacités de défense du continent. Les 200 narcotrafiquants les plus dangereux du pays seront bientôt regroupés dans deux prisons de haute sécurité. Gérald Darmanin a désigné la prison de Vendeur-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et d'Alençon-Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Et puis un mot de foot, l'OL a fait un grand pas vers les quarts de finale de l'Europa League hier en Roumanie. Victoire 3-1 sur la pelouse du Steaua Bucarest. Le M Radio réveille de Vincent Cerutti et Isabelle Jamy continue jusqu'à 10h. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Manon. Quel est le plus beau compliment qu'on pourrait nous faire? Ah, c'est bien comme question, ça. On va y répondre, là, dans un instant. Ah, ouais. Bah d'accord. Mmh. Et vous aussi, vous pouvez commencer à y répondre sur la page Facebook d'Am Radio. Voici Mika. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et tends, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. comme les autres garçons. Va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous sur internet? Ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te vins tout le temps? On dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Elle me dit, un jour je ne serai plus là. Merci d'avoir choisi M Radio dès votre réveil. On espère que vous allez bien. Dans un instant, Ronan Luce et Mentissa. Le M Radio Réveil. Vincent Cerruti, Isabelle Giammi. Et toute la journée, on va se complimenter. Ah bah ça, ça va je être veux bien. Bien ça. Bonne idée. Ou au moins toute la matinée jusqu'à 10h. On se fait que des compliments et hop, c'est réglé. Et voilà. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui sur la page Facebook M Radio, c'est quel est le plus beau compliment que l'on puisse vous faire? Ah bah Lucas, c'est quoi toi le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Alors moi, c'est quand on rentre chez moi et qu'on me dit ça sent bon chez toi. Ah oui. J'adore ça. Je mets toujours des petites bougies ou des petits les petits pots avec les petits bâtons là, les petits bâtonnets. Ah oui, l'encens. Bon. Ouais. Ah oui, c'est bien. Moi, c'est vrai que c'est une peur que j'ai. Non, c'est ça pas de l'encens, Isa. C'est un diffuseur de c'est, ça s'évapore dans les bâtonnets et après ça s'évapore dans la pièce. Il y a du liquide dans le petit pot et tu mets les bâtonnets en bois et ça se diffuse. Oh là là, ça doit sentir bon chez toi. C'est quoi toi, Isa, le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Moi, c'est quand on me dit que mes enfants sont bien élevés. Ah ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Surtout que j'ai vécu très très mal un truc qui m'est arrivé. C'est que j'avais laissé mon fils Ulysse, il devait avoir 7 ans à l'époque, à un anniversaire. Et quand je l'ai récupéré en fin d'après-midi, il y a la maman qui m'a dit « Bah dis donc, il connaît pas tellement le mot magique. Hein. » Ah ouais, le merci. Ouais. Ah ouais. Et ça m'a vexé. Ouais, c'est normal, ça je peux comprendre. Et puis souvent, quand ils sont dans les anniversaires comme ça, ils sont un peu timides. Tu Mais vois. Le con, là, la merde du gosse, là, de dire ça. J'irai pas jusque-là. Bah Vincent, si, c'est pas sympa. Ulysse, c'est un amour. Non, enfin, franchement, il est trop mignon, Ulysse. Ouais. Il est hyper poli, hyper bien élevé. Tu connais pas tellement le mot magique non plus, toi. Pourquoi j'ai dit quoi? Ah oui, pardon. Alors, moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit: Ah, Vincent, t'as bonne mine. Parce que c'est vrai quand même que j'ai quand même pris cher. Hein. J'ai quand même vieilli. J'ai vieilli. Et tous les jours, tu dis ça justement pour qu'on te dise: Mais non, t'as bonne mine. Mais ah non, pas du tout. Là, j'ai bonne mine ou pas? Mais oui, t'as bonne mine. Bon, merci beaucoup, les amis. Vous nous dites sur la page Facebook d'Ama Radio quel est le plus beau compliment que l'on puisse vous faire. On lira vos messages à l'antenne. Et ton fils est très bien élevé, Maïsa. Merci. Et chez toi, Lucas, ça sent très bon. Merci. Et moi, je m'en fous, j'ai bonne mine. Voilà. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre pervenche déjà pillée. J'ai toujours préféré aux voisins. la mousseline, invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge. Plus de lèche, vitrine assez cache, poitrine que tu séchais. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Je veux pas l'Amérique. Je veux cette guerre. Je fais bien le bruit du cœur. Merveilleusement bien, bravo Vincent. Vous êtes des amis, vous. 6h-10h. Vincent Cerutti, Isabelle Jamy. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 7 mars, et c'est la Saint-Félicité. Ah, bonne fête, Félicité. C'est l'anniversaire aussi de... Alors, je ne connais pas son prénom, E.L. James. C'est l'auteur, c'est une femme, de 50 nuances degrés. Elle a 62 ans aujourd'hui. Celle qui a fait les livres, c'est ça? Exactement. Ouais. Ah ouais. Exactement. Okay. Et après, ça a été adapté au cinéma. Film que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Moi, je l'ai vu, mais j'étais déçu. Ah bon? Ouais, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus caliente. Ah ouais? Et en fait, pas du tout. Ah bon? Oh non, c'est. Ah ouais, ils survolent, je trouve, tu vois. Ils vont pas dans le. Bon, enfin, faut dire que toi, tu mets la barre un peu haute, quoi, aussi. Ah, tu trouves? Ouais, je pense.